BKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Melissa Suarez El Real et je vous remercie de nous accompagner de nouveau dans cette émission de Radio Pokajou International. Après les fêtes de décembre, le soir du dernier jour de l'année, à Pokajou, tout simplement, on arrête de manger. Ça peut vous étonner peut-être si vous êtes en Europe ou en Amérique, mais c'est juste le début du grand jeûne d'année nouvelle qui continue jusqu'au cinquième jour de l'année ou jusqu'à ce que chaque personne peut supporter. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la fin officielle de cette semaine de jeûne, mais la plupart des Pokajoutiens ont jeûné seulement le premier jour de l'année. On voudrait quand même dédier ce programme à toutes ces personnes qui ont été capables de jeûner jusqu'à aujourd'hui et qui commencent à manger peu à peu. Et bon, bien sûr, c'est pour ça qu'on a conçu une émission spéciale. On est sûr que nos amis qui nous écoutent ailleurs se demandent peut-être d'où vient cette tradition et comment elle gagne de plus en plus des adeptes. Et bien sûr, on va tout expliquer pendant les 15 minutes suivantes. On va commencer avec cette chanson appelée Palmar ou Palmeré en français. Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar. Echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol. Hacerme vapor echados al sol sin tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al sol sin tu bañador, oh, echarnos al sol. On vient d'écouter Palmar du Mexicain Caloncho. Cette chanson est partie d'un disque appelé Fruta ou Fruit. Ce disque a été composé et enregistré entièrement pendant les 5 jours de début d'année où Caloncho, même s'il est mexicain, a pratiqué le jeûne d'année nouvelle pokajoutienne. Il a loué une hutte au bord de l'océan Pacifique en Mexique Et là, il a tout fait pendant ces 5 jours. Il appelait ce disque « Fruit » parce que selon lui, la musique était sa seule nourriture à cette époque et il la trouvait à la fois nourrissante et sucrée. Mais même si le jeûne est devenu quelque chose de très répandu à Pocahontas et même dans d'autres pays, au début c'était une tradition que seulement les natifs pocahontiens suivaient. Selon le mythe pocahontien recueilli dans le Puneje, le livre sacré, quand les dieux du panthéon pocahontien ont fini de créer l'univers, ils sont fêtés en mangeant des étoiles. À la fin, ils ont mangé autant d'étoiles que Punar, la déesse créatrice, a vomi toutes ses étoiles et a créé donc la Voie lactée et avec elle, notre soleil et bien sûr les humains. C'est pour ça que les pocahontiens donnent à l'estomac vide une connotation sacrée. Pour nous, depuis des siècles, le début de l'année doit se recevoir avec l'estomac bien vide. Ce mythe que selon les pocahontiens raconte l'histoire de ses ancêtres a inspiré Gonja Sophie à écrire sa chanson Ancestors, qu'on va écouter tout de suite. On est de retour à la radio Pocahontas internationale, je suis Melissa Suarez El Real. On parlait tout à l'heure de la façon très particulière des Pocahontiens de célébrer l'arrivée de l'année nouvelle, c'est-à-dire avec les jeûnes rituels. Cette tradition a son origine dans la mythologie pocahontienne, selon laquelle le soleil et la voie lactée a été créé quand la déesse Punach a vomi après la création du monde. C'est pour ça que les Pocahontiens commencent chaque année avec l'estomac vide. Mais pour les Pocahontiens, à la fin de l'année, on est rempli avec plein de choses, de souvenirs, d'expériences, et c'est pour ça que le dernier jour de l'année, on fait un déjeuner très très généreux. Normalement, on essaie de manger tous les fruits qu'on peut trouver, mais aussi le pain plat de farine de trempera aux épices. Après ce dernier repas de l'année, on écrit les meilleurs souvenirs de l'année, aussi que le pire, en papier de riz, et on fait des cigarettes avec, qu'on fume pendant les derniers moments de l'année. Mais au moment où le clocher sonne, on considère que l'année est finie et on vide la tête des souvenirs pour commencer l'année. Quelques-uns pratiquent le jeûne seulement jusqu'au matin du 1er janvier, mais d'autres continuent jusqu'au 5e jour, c'est-à-dire aujourd'hui. La plupart des gens considèrent que ce qu'on obtient après 5 jours de jeûne, c'est une sensation de calme et bonheur, mais d'autres parlent d'un état euphorique, très productif créativement. On va vous laisser avec un morceau qui a été créé pendant le jeûne rituel d'année nouvelle. Ce s'appelle Daydream Believer, ou croyant des rêves de jour, des Argentins en Davala. Merci de nous avoir accompagnés, à la prochaine. Radio Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !